une troisième partie qu'on va animer donc avec Anne-Lise Neff de Paris 1 et moi-même, donc Isabelle Bacouche de l'École des hautes études en sciences sociales. On avait intitulé cette dernière partie « Intervention ». Donc intervention de collègues de Paris 1 et de l'EHESS. On va donner la parole à la salle. Il y a des collègues de Paris 1, des collègues de l'EHESS. Sur donc la presse commune dans laquelle nous sommes embarqués, ESAM, j'en ferai juste une présentation rapide et puis un verbatim que j'ai trouvé, puisque il faut non seulement lire les PV des CA de nos institutions, mais il faut aussi lire les PV des CA des AM. Ça ajoute encore aux heures de lecture. Donc ESAM, c'est 15 membres. Alors les informations que je vais vous donner viennent du site d'ESAM. Une presse commune, je vais dire relativement hétéroclite, mais on en a vu d'autres aussi qui étaient assez diverses du point de vue de la taille, des missions ou des disciplines qui sont réunies. Alors, dans l'ordre, donc, alors je vous cache pas que j'ai développé les acronymes parce que bon, il y en avait certains. En fait, une fois qu'on lit le développement, on sait ce que c'est, mais a priori, c'est assez opaque. Conservatoire national des arts et métiers, le HESS, l'École du Louvre, l'École française d'Extrême-Orient, l'École nationale d'administration, l'École nationale des chartes, l'École nationale supérieure de création industrielle, le PHE, l'École nationale supérieure des arts et métiers, l'École supérieure de commerce de Paris, la Fondation Maison des sciences de l'homme, l'Institut national d'études démographiques, l'INED, l'Institut national d'histoire de l'art, l'Institut national du patrimoine et l'Université de Paris 1 qui arrive en dernier parce qu'ils doivent être classés alphabétiquement, je suppose, sur le site. Donc, un presse où il n'y a qu'une seule université, c'est Paris 1. Alors, au-delà de ces membres dits fondateurs, d'après le site et les PV du CA des AM, il semble qu'il existe également, alors on n'en a pas beaucoup parlé jusque-là, des membres associés et des membres affiliés. Alors je voudrais juste vous donner un petit verbatim du CA des AM du 2 octobre 2013 qui a voté l'affiliation de 3 candidatures. La première, c'est le Centre de formation des journalistes. Je résume les arguments qui sont donnés, c'est assez court, qui a déjà un partenariat avec Paris 1 et il semble que dans la formation des journalistes et les diverses ressources que je viens de vous présenter, il pourrait y avoir des interactions fructueuses. La deuxième affiliation, c'est une association qui s'appelle France Clusters, une association qui existe depuis 15 années et qui fédère à l'échelle nationale, je lis quasiment ce que j'ai lu sur le site, 180 pôles de compétitivité et de clusters régionaux qui sont des groupements d'entreprises. Environ 60 000. Cette association a une double mission, accompagner les clusters dans une perspective de développement business de ses membres et travailler avec les institutions publiques au niveau territorial, national et européen au service du développement et de la croissance économique. Un des administrateurs s'est interrogé sur la candidature de France Cluster qui ne dispense pas d'enseignement. Le délégué général des AM, il y a des organigrammes des AM qui ont circulé et qui sont par là, Hugues Brunet, lui a répondu qu'effectivement, France Cluster n'avait pas vocation à l'enseignement supérieur, mais qu'il proposait des formations à ses adhérents dans le cadre de ses activités d'animation des clusters et des pôles de compétitivité. Et il a poursuivi, je cite, « L'intérêt pour ESAM est de mettre en relation les entreprises adhérentes de France Cluster à travers son rôle d'animateur avec notre recherche scientifique. De plus, les pôles de compétitivité ont des thématiques liées à l'innovation et au design. » Et le président du CA a souligné, je cite, « l'intérêt de cette coopération, d'autant que le ministère met l'accent sur les retombées économiques de nos activités qui ne sont pas si nombreuses. » Le troisième affilié est l'Institut français de la mode, un institut fondé en 86, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'industrie. Ses trois missions sont l'enseignement supérieur, la formation permanente et la recherche, avec plus particulièrement un volet plus important de recherche appliquée, qui comprend un observatoire sur le textile technique, ainsi qu'un observatoire sur l'économie de la mode. Voilà, c'était juste pour... Il y a énormément à lire, mais ça donne effectivement aussi peut-être un point qu'on a abordé, mais la question de l'ouverture de ces communes vers l'entreprise, vers l'efficacité, vers l'utilité, autant de notions aussi qui régissent aussi la distribution des moyens. Alors, où en est le processus aujourd'hui qui doit mener vers l'adoption de nouveaux statuts pour se mettre en conformité avec la loi ? Là, je voudrais juste dire, il y a eu des questions Il me semble, hein, mais justement, on va en parler. En tout cas, à l'EHESS, on nous a transmis une V0 d'un texte qui s'appelle « Trajectoire stratégique qui a donc été élaboré par tous les membres des AM. C'est une description des objectifs de ce qu'on pourra faire une fois qu'on sera ensemble. Alors que du point de vue des statuts, c'est-à-dire finalement d'une forme de constitution, à ma connaissance, mais peut-être que c'est en cours dans les conseils scientifiques, il n'y a pas de V0. Ce que j'ai pu simplement récupérer comme information sur le PV du conseil scientifique de l'EHESS du 4 février 2014, c'est que c'est le président Pierre-Cyril Auqueur qui l'a dit dans sa déclaration. La réflexion était en cours à propos des statuts des âmes au sein d'un groupe de travail dans lequel, en ce qui concerne le HESS, c'est Marc-Olivier Baruc qui représente le HESS. Donc je suppose qu'il y a un groupe avec des représentants de chacune des institutions, mais à ce jour, je ne sais pas où en est leur réflexion. Quelle est la composition exacte et comment travaille-t-il ? Autant de questions qui sont en suspens, mais que peut-être notre discussion et nos échanges de ce soir vont permettre d'éclairer un petit peu. Voilà. Alice, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, j'ajouterai juste une chose, donc qui tient effectivement à ce document que vous avez sûrement tous eu, sur la trajectoire scientifique des âmes universités, qui est un document de travail. Je dois dire que pour qui connaît les textes de réforme ou de projet de réforme du ministère, c'est assez fascinant parce que ce texte semble complètement démarqué en fait d'une langue, alors certes néo-managériale et libérale comme on peut s'y attendre, mais c'est en fait complètement conforme aux volontés du ministère et aux réformes en cours, tout ce qui est proposé. Donc c'est vraiment assez fascinant de ce point de vue et on se demande un petit peu hein, pourquoi tant d'opacité pour arriver à quelque chose qui au fond est l'application de la politique gouvernementale. Mais je laisse donc la parole moi aussi à la salle. Donc Julie Claustre, je suis élue au Conseil scientifique de Paris 1, mais on dit effectivement maintenant commission recherche de l'Université Paris 1. C'est une chose qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'actuellement, nous, à Paris 1, on doit réfléchir en même temps au statut en cours de réforme de l'université, ce qui devrait aussi arriver à l'EHESS, j'imagine, pour se mettre en conformité avec la loi qui a été votée l'année dernière. Et par ailleurs, on essaye d'avoir des informations sur donc, la rédaction des statuts de la commu. Alors, donc au Conseil scientifique, nouvelle commission recherche, on n'a rien vu passer. Hein, on n'a pas de V0 à aucun moment. On a eu simplement des bouts d'informations de temps en temps sur des objectifs très très généraux. Il s'agissait principalement de rassurer les collègues, puisque les angoisses qui surgissent à Paris 1, j'imagine qu'elles existent aussi à l'EHESS, elles tiennent d'abord aux formations et aux masters. Voilà. Donc c'est l'enjeu majeur qui focalise l'intérêt des collègues, le sort des masters dans toute une série de disciplines qui sont communes à Paris 1, à l'EHESS. Sinon, pour notre presse commune ne contient pas 15 membres, mais 14, en fait. 14, puisque l'INHA, qui est toujours sur le site, oui, j'ai vu, est en cours de sortie. L'INHA ne fera pas partie de la commune, donc, et ferait partie de ceux qui vont être affiliés ou associés, etc., comme France Cluster, machin et trucs, voilà. Donc l'INHA, apparemment, a fait le choix de sortir de la commune, et pour des raisons qui seraient sans doute intéressantes de creuser, a décidé qu'elle avait beaucoup mieux à faire à distance de la commune que dedans. Bon. Donc ça, c'est une information qu'on a eue vraiment très, très récemment au cours de réunions. Quoi. Bon, à part ça, j'aimerais faire état, mais il y a derrière moi Oriane Tercery, qui est représentante étudiante, syndicale étudiante doctorante de Paris 1. Je voudrais faire état d'une mobilisation en cours à Paris 1. Donc il y a eu le 10 avril une assemblée générale intersyndicale qui a réuni plusieurs dizaines de personnes, enfin un nombre non négligeable de personnes. Comment ? Oui, voilà, intersyndicale, intercatégorielle, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement, c'est une large intersyndicale qui avait mobilisé étudiants, BIATS et syndicats d'enseignants-chercheurs. Et donc la commu et l'avenir de Paris 1 à l'intérieur de la commu était un des trois points à l'ordre du jour. les deux autres étant malgré tout les statuts de Paris 1, avec les enjeux propres à l'évolution des statuts et de la démocratie interne à l'université. Parce que voilà, le point commun, nous, le point d'accroche fondamental, c'est la question de la démocratie, la question de la représentation dans une future commune, alors, qui est malgré tout, à mon avis, fortement intériorisée à Paris 1. C'est-à-dire que, d'abord, la commune nous est présentée systématiquement comme existant déjà. Bon. Le presse, on ne parle plus presse, on parle commune. Bon. Ça fait plusieurs mois, depuis, je dirais, la rentrée dernière, la rentrée 2013, qu'on ne parle plus que de commune et qu'apparemment, elle est considérée comme actée et on ne pourra pas revenir dessus. C'est ainsi que c'est. De la même manière, il nous a toujours été dit, quand la question a été posée, que l'association n'était pas possible pour la commune avec toutes ses spécificités. On a bien vu, et c'était intéressant, je pense, de voir que chaque commune a de très, très fortes singularités, en fait. Chaque commune est singulière, donc on a des choses, et la nôtre est aussi singulière, puisque voilà, on a quand même une grosse université qui est pas rien, avec 40 000 étudiants, et puis voilà, un chapelet de grandes écoles, et cette constitution ayant été fortement voulue par l'ancien président de Paris 1, qui est ensuite devenu le président du presse et le président de, le directeur de la commu, Jean-Claude Colliard. Donc il avait effectivement ciblé ce type de partenariat pour allier Paris 1 à toute une série d'établissements précis, à l'exclusion d'autres. Et par exemple, effectivement, il n'avait pas été souhaité que Paris 1 s'allie, par certains seulement, mais évidemment dans l'université, s'allie avec des universités, notamment avec Paris 8. On avait préféré arrimer Paris 1 à l'ENA, à l'EHESS par exemple, à l'EAPH aussi, etc., que à d'autres. Bon. Un certain nombre de choix passés, évidemment, sont actuellement lourds de conséquences. Alors, du point de vue des collègues, moi j'ai quand même l'impression que dans les discussions, ils sont très très mal informés, c'est évident, et nous n'arrivons pas à avoir l'information, y compris quand on est élu dans les conseils. Il y a une chose qui a été rappelée par Jean-Pierre Vallat tout à l'heure qui est importante, c'est que, de fait, dans les conseils, on voit les conséquences financières des processus d'excellence. On nous présente l'ancien presse devenant la commu comme lié à l'IDEX. Et il est de fait, concrètement et personnellement, par les personnes qui sont aux manettes, lié à l'IDEX. Bon. Et les collègues perçoivent, je pense en particulier aux collègues directeurs de recherche, professeurs, ils perçoivent les avantages concrets de l'IDEX. Les contrats doctoraux arrivent en nombre. Voilà. Les contrats doctoraux arrivent en nombre, alors que les autres moyens d'alimenter Paris 1 en contrats doctoraux se tarissent progressivement. Et alors que les autres sources de financement de la recherche à Paris 1, malgré tout, ont tendance à se tarir. Donc je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Et quand on s'adresse aux collègues, il ne faut pas oublier ces éléments-là, parce que voilà, dans les conseils, et dans les conseils qui vont voter, c'est une part importante de la parole et de la parole qui a du poids, évidemment. La question des contrats doctoraux, puis aussi la question des financements LABEX, notamment. Je suis tout à fait d'accord pour considérer que les LABEX sont... on n'arrive pas à dépenser l'argent, c'est une crétinerie pour toute une série de sujets. Il n'empêche qu'il y a des financements qui arrivent sur des sujets qui, de temps en temps, ont un intérêt. Et ça aussi, les collègues le constatent. Donc il faut arriver de fait à articuler un discours qui soit et un discours politique, mais un discours politique qui est en fait assez facile de contrer dans les conseils, et c'est par ces arguments-là, tout simplement par ces arguments-là. Et je crois que les regroupements sont fortement intériorisés. Les regroupements, même si, encore une fois, je suis bien sûr que la plupart, 95% de mes collègues ne savent pas qu'il y a tout ce chapelet d'établissement, et en gros ils savent qu'il y a l'EHESS, et puis discipline par discipline, ils savent quel est leur alter ego dans le regroupement, mais les regroupements sont fortement, je crois, intériorisés par les collègues à cause des mécanismes LABEX, en particulier, à cause des contrats doctoraux, et je ne veux pas être pessimiste, mais malgré tout, pour être au conseil scientifique depuis quand même quelques temps, je crains que ce ne soit difficile. Et par ailleurs, le mécanisme d'association, il va falloir effectivement bétonner l'argumentaire, parce que pour l'instant, ce qu'on nous dit à Paris 1, c'est que le mécanisme d'association n'est pas valide chez nous. Et Paris 1 agit constamment sous la contrainte et sous la surveillance du rectorat, sous une surveillance extrêmement étroite du rectorat, qui s'appelle une tutelle, mais qui est constante. Et le représentant du recteur est au CA, et l'argument budgétaire est extrêmement puissant, donc il est relayé évidemment à tous les étages des conseils. Jusque dans les conseils de l'UFR, évidemment. Sachant qu'on a quand même renoncé l'année dernière à 10% de notre offre de formation. Ça se sent dans les TD, etc., des choses comme ça, ça se sent en nombre d'étudiants. Bon, on a, donc la contrainte budgétaire pour nous est quelque chose de, d'extrêmement fort, et cet argument-là aussi va jouer puissamment. C'est-à-dire qu'on anticipe déjà que si nous choisissons l'association, il y aura des mécanismes de rétorsion, et le recteur sera là pour nous rappeler à cela, au choix que nous avons fait. Bon, voilà, je n'ai pas entendu le mot recteur depuis le début de la soirée, je m'en étonne un petit peu, parce que c'est vrai qu'à Paris 1, c'est sans arrêt le recteur qui est notre bête noire. Bon, j'arrête. Oui, moi je suis à l'EHESS, hein, Yves Cohen, donc, et je suis peut-être particulièrement très mal informé et un très mauvais citoyen de l'EHESS, mais j'ai jamais entendu parler dans nos informations de la possibilité même d'une association. On ne nous a même pas dit que ce n'était pas bien. Moi, je crois que c'est la première fois que j'entends qu'il y a cette même possibilité d'association. Alors peut-être que j'ai mal entendu. Non, mais ça veut dire aussi qu'il y a une responsabilité des gens qui savent un peu quelque chose de lancer un débat là-dessus, puisqu'il n'y aura pas de débat lancé par la présidence. On connaît les habitudes de l'ancienne présidence qui aimait beaucoup le secret, et je suppose que maintenant, ça se pratique à un autre niveau aussi. Et qui, par exemple, sur le... On n'avait pas accès au programme Paris, comment ça s'appelle, Novi Mundi Université. Ben ça relevait du secret, etc. On n'avait pas le droit de voir ça. Et aujourd'hui, alors est-ce qu'il n'y a pas de statut zéro aussi? On m'a dit qu'il y avait une version zéro des statuts. Je l'ai même vu. Ah oui, elles ont été montrées à quelques collègues qui sont allés voir à la présidence et s'enquérir à la présidence. Ça veut dire que cette version existe, et ça veut dire aussi que, là encore, il y a une question de civisme ou de civilité de l'École des hautes études qui considère son Assemblée générale comme souveraine, comme ayant beaucoup de choses à dire sur la politique scientifique. Elle a des choses à dire par les statuts même de l'école, et peut-être qu'elle pourrait dire quelque chose aussi sur les statuts. Mais ça veut dire que si les votes du conseil d'administration sont le 28 mai et le 5 juillet, ça veut dire qu'il faut en discuter maintenant. Et il faudrait lancer une campagne d'opinion maintenant, sans passer par... Alors, l'appel, bizarrement, là, c'est une question aux organisateurs. Bizarrement, l'appel à cette réunion d'aujourd'hui dit qu'il y a une plateforme de discussion qui existe, etc. Mais cette plateforme de discussion, l'accord a été donné, effectivement, par la présidence, de lancer une plateforme de discussion sur les âmes, etc., etc. Mais a dit, mais il y a un problème de délai, etc., etc., etc. Donc, évidemment que, apparemment... moi, j'ai posé la question à la secrétaire du bureau qui ne m'a pas répondu. Il y a suffisamment de jours pour qu'elle n'ait pu le faire sur cette question de délai. Donc, ça veut dire qu'il faut lancer une campagne d'opinion par d'autres moyens. Je vois simplement Yannis. Oui, pour rebondir directement là-dessus, sur la plateforme. Sur cette plateforme. Oui, Éloi Fiquet, EHESS. Oui, effectivement, il est question d'avoir une plateforme de débat. Or, pour se lancer dans cette réflexion, ce débat, cette mise en commun d'informations, peut-être un peu tard, mais bon, a priori, pas encore trop tard pour se saisir de ces questions importantes. Alors, a été soumis au bureau de l'école une proposition de plateforme informatique pour échanger des documents, des idées, des opinions, faire des propositions. Alors, ça a mis un certain temps avant d'être mis en place, notamment pour des questions informatiques, de mise à jour des listes, etc. Mais il semble, moi j'ai eu des informations plus récentes, que ça va être bientôt annoncé. Il y a eu le délai des vacances et tout. Créer du retard. J'espère que là, ça devrait être débloqué cette semaine. J'espère. Oui, donc je voudrais simplement rebondir là-dessus parce qu'effectivement il est 20h30 et le temps avance et ça va dans la même direction que ce que viennent de dire les deux collègues, c'est-à-dire qu'il serait dommage qu'on ressorte d'ici sans décider un petit peu d'un ordre de bataille, me semble-t-il. Alors j'entends parfaitement ce que dit Julie, il me semble que c'est très compliqué dans les conseils, et simplement dans les conseils, vraiment de faire un travail, ce travail est nécessaire, mais ça ne sera pas suffisant. Donc là, je comprends absolument un peu qu'elle se sente démunie de ce point de vue. Mais vu ce qu'elle demande, et qui me semble juste, c'est-à-dire une information sur les possibilités d'association, il y a quand même des endroits où on est beaucoup plus avancé qu'à Paris 1 et qu'à l'EHESS, visiblement, hein, que ce soit à Paris 7 en particulier. Donc ce serait bien peut-être qu'on ait... pour le coup, de vraies réunions d'information, mais pas des réunions d'information pour nous vendre la commu, mais pour essayer de nous expliquer comment le reste peut marcher. Et je me demande si une bonne idée ne serait pas d'organiser cette fois-ci, parce que là, on est au sortir des vacances, c'était un peu un défi, hein, et malgré tout, il y a quand même du monde qui est présent, mais je ne suis pas sûre de voir beaucoup de gens de Paris 1, mais peut-être, enfin, je ne connais pas non plus tout le monde. Mais ceci dit, ce serait sans doute bien de faire quelque chose à Paris 1, parce que moi, ce que j'entends des collègues, c'est qu'ils se sentent aussi dépossédés par des choses qu'ils imaginent qui se passent dans les conseils, et dont on comprend maintenant que ça ne se passe même pas dans les conseils, et donc peut-être faire à nouveau, je sais bien qu'il y en a une, moi personnellement j'avais cours, donc je n'ai pas pu venir, mais une assemblée générale qui, là il n'y a plus cours, donc le problème est réglé, une assemblée générale, Paris 1, EHESS, et y compris d'autres, s'ils sont intéressés, qui font partie... du presse. Alors, qui s'appelle Commu, c'est normal. Hein. Ils s'appellent tous Commu depuis septembre 2013, c'est dans la loi. Mais ça fait partie, effectivement, d'une manière d'entériner quelque chose qui n'est pas encore advenu. Bon, moi, je serais assez pour qu'on se mette d'accord sur un appel de ce type rapidement, puisque de toutes les manières, là, c'est une question de mois. Hein. Si on est tous d'accord que la menace est à un niveau élevé et qu'il faut réagir, eh bien, réagissons rapidement, réunissons-nous. Et je pense qu'avec un soutien qui sera celui des collègues, il sera beaucoup plus facile au Conseil, évidemment, et aux représentants de ceux qui portent une autre voix dans les conseils, de se positionner, hein, forcément. Voilà. Merci. Philippe Champey, je suis petit biochimiste à Saclay. J'ai été élu syndical au conseil d'administration de l'INSERM, mais je suis dans un labo CNRS. Et j'interromps un tout petit peu, pour très peu de temps, c'est la perspective de moyens de lutte concrets. Pour reposer une question de base du béotien, comment est-ce que, au moins les gens, les importants qui ont imaginé ces réformes, conçoivent, considèrent le fait que, par exemple, dans cette soi-disant commu, il y ait, si j'ai bien compris, l'école des Chartes, l'école du Louvre, qui soient mis en cheville avec des gens à l'ENA, plutôt que d'avoir essayé de se mettre en cheville avec les Beaux-Arts ou qui ont été cités dans cette... Comment est-ce que ces gens-là considèrent la chose? Est-ce que c'est simplement « Ah, mon pauvre monsieur, il faut laisser la place aux égaux » ou bien « Nous vivons dans un monde dans la jungle enfin, » quelle est la logique de ce genre de choses? Pourquoi est-ce que Paris 6 ne se met pas en cheville avec Paris 7 parce qu'il y a des scientifiques à droite et à gauche? Qu'est-ce qu'on dit en général? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de choses? Moi, j'ai juste un mot, et puis après, peut-être Christian pour... Ah oui, on pose des questions. Et... C'est très clair. Est-ce que c'est professionnalisant? Alors, Philippe Sanzingre, Paris 6. J'aurais juste une proposition d'action. J'ai regardé l'excellent... Si, il est allumé, il est allumé. J'ai regardé l'excellent site de SPC, où il y a toute une rubrique qui explique très bien la question de l'association. Je ne sais pas si sur le site Jean-Pierre Vernon, il y a aussi ces éléments qui sont repris. Est-ce que l'on pourra avoir un site national, mais pour l'association, quelque chose comme ça, qui aurait l'argumentaire pour l'association, et chacun dans nos universités, on pourrait renvoyer à ce site-là. Parce que c'est un peu embêtant. J'explique, ben voilà, c'est très bien expliqué sur le site de SPC. Ah oui, mais c'est les gens de Paris 7, bien sûr. Donc c'est pas pour nous. Est-ce que les gens de SPC qui sont très en avance sur le travail là-dessus voudraient bien éventuellement faire partager le fruit de leur travail au niveau national? Oui, je crois que si on peut économiser de l'énergie, hein, on sera tous très reconnaissants à ceux qui nous feront gagner temps et énergie mutualisée. Il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé dans notre discussion jusqu'ici. Et la première, c'est que nous, à l'EHSS, on est très en retard. Je veux dire, il y a des débats très riches, très conflictuels, qui se sont engagés depuis le mois de janvier dernier dans de nombreux établissements parisiens. Et nous, voilà, le mois de mai est là, on se réveille de notre sommeil dogmatique. Qui tient à quoi, au fond? Qui tient à la confiance que nous faisons dans nos autorités? Parce que je crois que c'est ça qui caractérise essentiellement le légitimisme, disons, des membres de l'Assemblée des enseignants et au-delà des membres de l'école au sens large. Et cette confiance dans nos autorités est quelque chose, je crois, qu'il faut peut-être questionner maintenant, avant qu'il soit trop tard, parce que bientôt, nos autorités n'en seront plus. Oui. Parce qu'elles auront perdu l'autorité. Elle sera passée à l'étage au-dessus. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai compris ce soir. C'est que ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent, on ne le rejouera pas deux fois. C'est terminé. Et on raye d'un trait de plume 50 ans d'histoire, tout simplement par distraction. Et je reviens un petit peu en arrière, pardonnez-moi de parler de notre recteur dont on n'a pas parlé jusqu'ici. François Veil, dans cette même salle, nous a à plusieurs reprises endormis par c'est une sorte d'hypnose. Au moment de la création du PRESS, je m'en souviens, François était là, il nous expliquait. Mais un PRESS, ce n'est pas grand-chose. D'abord, nous, on veut ce PRESS parce qu'on veut garder un pied à Paris. C'était le premier argument, souvenez-vous. Ça, c'est une histoire un petit peu interne, le campus Condorcet, tout le monde était accroché au 54 boulevard Raspail, 75-006, autrement, on meurt, etc. Et François Veil nous dit, le PRESS nous attache à Paris. Parce que dans le presse, il y a Parisien, et dans Parisien, il y a Paris. Et comme ça, on sera à Paris. Texto, premier argument. Deuxième argument. Un presse, on peut faire des choses quand même utiles ensemble. Voyez par exemple la visite médicale que nous faisons dans des conditions qui ne sont pas optimales. On pourrait vraiment avoir un service en commun avec nos partenaires. Et puis enfin, les étudiants à l'EHESS, on ne peut pas leur faire de sport, on n'a pas les moyens, on n'est pas équipé. Alors à Paris 1, par contre, grosse université, vous allez voir, les stades vont pleuvoir. Et je plaisante à peine, j'en pleurerai, de la naïveté que nous avions à l'époque en croyant toute cette salade. Et j'ai eu la sottise, c'était dans un conseil en fait, de dire, on peut aussi imaginer qu'on pourrait avoir des initiatives scientifiques avec nos collègues de Paris 1, on en a déjà d'ailleurs, on pourrait faire des PRI, des programme de recherche interdisciplinaire. C'est une petite institution qui marche très très bien au sein de l'EHESS, on fait ça depuis des années, on est content, ça ne nous rapporte pas beaucoup de sous, mais c'est intelligent, disons. Et François Veil me dit, mais c'est ça, Christian, c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, premier temps, et pardonnez-moi, François n'est pas là, il serait là, je le dirais dans les mêmes termes, on nous a menti. On nous a menti. Ensuite, sur l'IDEX, ça a été rappelé tout à l'heure, le même recteur de l'Académie de Paris, assis à cette table, nous a dit « Secret commercial, je ne peux pas vous donner ce texte. » Le texte était là. « Je ne peux pas vous le donner parce que si je vous le donne, je ne suis pas garanti qu'il ne va pas circuler et que nos concurrents, bien sûr des autres IDEX, parce que le concours était en cours, ne vont pas s'emparer de nos idées. » Les idées, vous savez, c'est un institut sur l'innovation. Voilà une idée d'une originalité folle que certainement nous aurait volée. Donc, je suis. Si je m'exprime là-dessus, c'est que je suis très, très fâché. Très, très fâché. Et je crois que la même comédie continue aujourd'hui même. Et la plateforme électronique de discussion, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de discuter, mais bien entendu, ça gagne du temps pour que le 26 juin, les statuts tombent sur les bureaux du CA et que le CA vote. Il y aura 4 abstentions, et parce que quand même, voilà, et puis ça va passer. Voilà. Moi, je crois que c'est ça le scénario qui nous attend. Alors, la riposte ne peut venir, effectivement, que de l'ouverture de d'autres possibles, et ça, on ne peut le faire qu'avec nos partenaires et de façon horizontale. On ne faut plus passer par les présidences. Il faut discuter entre nous. Peut-être on constatera d'ailleurs... Excusez-moi, je suis peut-être un petit peu long. On constatera peut-être qu'il n'y a rien à faire, mais au moins, on sera mis d'accord là-dessus sans passer par des autorités qui nous trompent. Voilà. J'espère que ceci qui est enregistré circulera bientôt sur les... Marianne Marquet de l'EHESS. Je suis élue IATS au CA. Et là, bon, je suis assez contente qu'on ait ce débat-là, parce qu'effectivement, je vois le 28 mai arriver à grands pas. Et je ne sais pas du tout comment va réagir les membres du CA, vu qu'il n'y a pas de mobilisation. Enfin, ça démarre. On sent quand même qu'il y a ça discute dans les couloirs, mais qu'on a un peu de mal à s'organiser. On attend avec impatience la plateforme. Là, si on arrive à lancer un débat sur cette plateforme, ça va peut-être aider à démarrer. Et après, effectivement, il faut le faire en interne dans les établissements et un peu confronter avec les Pariens, en l'occurrence, mais aussi la MSH et puis tous les établissements qu'on peut facilement joindre, voir un petit peu nos interprétations, nos réflexions, l'état de nos réflexions, etc., pour avoir très vite, être en ordre de bataille, parce que le 28 mai, je pense que le 28 mai, il n'y aura rien de décidé, mais... Ça va suivre très vite, quoi. Donc, effectivement, il faut se bouger. Il est temps, quoi. Il y avait qui peut-être dans l'ordre. Il n'y en a pas deux. Christine Roquet, l'Université Paris 8. Je ne veux pas intervenir longtemps. Donc, en fait, à Paris 8, comme vous l'a expliqué Jean-Louis Fournel, il y a une mobilisation là, qui est lancée et qui était même assez belle à la dernière Assemblée Générale et manifestation dans l'université, lors de laquelle nos collègues de Nanterre étaient présents. Il y avait environ 500 personnes de Paris 8 et certainement des étudiants. Oh là, des vilains hors Paris 8, on nous a dit. C'est ceux qui ont fait les dégradations dans le patio, évidemment. Il ne peut pas s'agir des nôtres, c'est certainement les vôtres. Je ne sais pas comment ils les distinguent, mais en tous les cas, eux, ils ont l'art et la manière de le faire. Mais il y a des gens qui proposent cette association, mais il y a aussi une grande partie des mécontents qui voudraient bien rien du tout. Et donc, ma question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Assas ? Qu'est-ce que je peux répondre demain ? On a une assemblée générale à 10h, Jean-Louis sera là pour expliquer des choses. Quand les collègues de la CGT, etc., vont dire « Oui, mais non, mais nous, on ne veut pas plus d'associations que de communes, on ne veut rien du tout. » Qu'est-ce qui se passe pour Assas ? Qu'est-ce que vous avez, vous, à me répondre si demain, on dit « Mais nous, on veut sortir de ce système-là » ? Bon, je pense que une des personnes qui peut répondre à cette question, parce que je lui ai posé la question tout à l'heure, il m'a donné quelques éléments, mais on peut en donner quelques bribes. Michel, tu veux dire quelque chose sur ce qui se passe pour Assas ? Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui va vous dire, c'est qu'il y a des pressions. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas lutter quand même. Enfin, la preuve, c'est que Assas continue de rester moi, sur ce que je peux apporter, c'est juste des ondits. Hein. Je ne suis pas d'Assas. Ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai entendu à droite, à gauche. Et que bon, depuis qu'ils ont quitté donc le presse Sorbonne Université, ils sont soumis à de très fortes pressions. Ils sont en quelque sorte mis en quarantaine par le ministère, par la région. Ils sont exclus des négociations sur le contrat de plan État-Région. Ils ont perdu le bénéfice des quelques sommes IDEX qu'ils pouvaient espérer toucher. Hein, ils ont été éliminés de l'IDEX par la même occasion. Et donc, là, ils se retrouvent tout seuls et sous des pressions très fortes. Moi, c'est tout ce que je peux, tout ce que je peux en dire de ce que j'en connais. Hein, ça voilà, mais en même temps, bon, l'université n'a pas fermé. Mais bon, une chose est claire, c'est que ça déplaît, ça a évidemment déplu profondément aux autres membres de Sorbonne Université qui avaient pensé avoir accroché Paris 2 pour toujours. Hein, et manifestement, ça déplaît très fortement au rectorat, au ministère, parce que c'est un mauvais exemple. Mais en fait, Paris 2 n'a rien perdu d'IDEX. Donc il y a eu des menaces. Il a dit que j'étais là et il a dit qu'il n'avait rien perdu. Mais en même temps, si je puis dire, voilà, c'est des pressions normales dans un rapport de force politique. La question, c'est comment on crée le rapport de force politique pour proposer autre chose. Ceci étant dit, comme l'a rappelé Pascal David tout à l'heure, l'argent d'IDEX, oui, c'est pas grand chose. C'est plein d'emplois, ouais. À Sorbonne Université, l'IDEX, c'est 34 millions par an, c'est-à-dire 2% du budget consolidé. Hein, l'IDEX, c'est 2% du budget consolidé. Des membres de Sorbonne Université. Donc, bon, c'est pas négligeable, c'est pas rien, mais enfin, c'est pas grand chose non plus. Michel, il y avait derrière. Pardon, j'ai pas de réaction sur la dernière question, mais sur deux ou trois avant, sur l'origine du découpage de Paris. Le point de réflexion, c'est la mutation de l'université dite napoléonienne ou facultaire vers le modèle international d'université qui s'appelle Humboldtienne, c'est-à-dire omnidisciplinaire. Et donc ce qui a présidé au choix, enfin, l'unique critère du découpage, hormis les pressions des médecins qui ont tiré leur épingle du jeu, pour le reste du jeu, l'idée est d'avoir toutes les disciplines dans tous les blocs. Et ce point-là est très important pour des disciplines comme la mienne ou la nôtre, puisque pour les petites disciplines en numérique, comme la physique, dans laquelle il n'y a que 300 étudiants en thèse dans Paris intramuros, 300 à Paris Sud, donc c'est petit quantitativement, eh bien le diviser en 4 blocs dans Paris intramuros est une absurdité qui va à l'encontre de l'injonction de la loi qui est d'harmoniser. Au contraire, on nous incite à créer des masters de site alors qu'on avait des masters coopératifs. Donc cette idée-là, qui est la seule, est très pernicieuse pour les petites disciplines et totalement arbitraire, hormis cet unique argument de l'université conformée à l'université internationale. Éloi, Michel. Après, il y a Manuel. Oui, Éloi Fiquet, ce qu'il faudrait noter en complément de ce que Christian notait sur la façon dont le PRES a pu être conçu par la précédente présidence sous François Veil. Moi, je n'ai pas assisté à ces assemblées-là, j'étais détaché à l'étranger. Mais on peut quand même constater au niveau de la présidence de l'école un singulier changement de ton dans la façon dont la présidence elle-même présente les choses lors de la dernière assemblée de l'HESS, le 22 mars dernier, le président a fait état de ses inquiétudes fortes sur des risques de dissolution de l'école, qu'il n'avait pas les solutions, que les scénarios n'étaient pas clairs, qu'il en privilégiait un, mais manifestement sans que ce scénario génère pour lui un enthousiasme fort sur les synergies que les établissements indépendants entre eux pourraient avoir. Et demander à l'Assemblée de l'aide pour essayer de proposer des scénarios alternatifs, suite à quoi a été ouvert un débat qui a vite fait long feu. Hein. Il y a eu quelques salves de questions qui ont été posées, mais sans que le débat constructif qui était attendu puisse réellement se développer, d'où l'idée d'avoir un outil de plateforme de discussion pour essayer de se saisir de cette proposition par la présidence, enfin en débattre et d'avoir des éléments d'information pour pouvoir le faire. Moi, ayant participé à cette proposition de plateforme, on a pu à nouveau en discuter avec le président et le bureau. Et ils nous ont fait état de discussions très difficiles, apparemment, entre les chefs d'établissement, au point que les statuts et la possibilité de rédiger des statuts qui fassent accord entre les chefs d'établissement semblent pas être à l'ordre du jour. Donc, il semble être plutôt question de débattre d'une possibilité de négocier avec le ministère un délai sur la remise de ces statuts. Alors, la loi pose que les statuts doivent être déposés avant l'anniversaire de la loi le 22 juillet, mais d'après la présidence de l'école, on n'en est pas du tout à avoir des statuts en état d'être présentés pour cette date anniversaire de la loi. Donc, pour dire aussi que il n'y a pas une unanimité qui semble se dégager fortement dans le montage de cette communauté, que les tiraillements, le rapport de force semble être difficile entre les établissements, entre la grosse université et d'autres établissements qui ont une surface de recouvrement assez forte. Donc, peut-être aussi le fait que des textes ne circulent pas est lié au fait que ces textes ne sont pas en état d'être présentés. Mais ça, je n'en sais rien. Je vous rends compte de discussions. J'ai juste une question toute petite pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Je me suis laissé dire, mais je voudrais savoir si c'est bien comme ça que ça se passe. Là, je me tourne vers Bruno André Autier en particulier, que si on n'avait pas des statuts, en juillet, donc un an après le vote de la loi plutôt, on avait encore un an éventuellement pour élaborer des statuts. Alors, est-ce que cette chose qui m'est arrivée jusqu'au creux de l'oreille est une invention ou est-ce que c'est vrai ? Non, ça c'est vrai. Donc il y a un document de référence avec ces questions-là qui est sur le site de la CPU, de la Conférence des présidents d'université, et dans lequel il y a les réponses aux questions fréquemment posées, dont celle-là. Donc il y a un an, mais pendant ce un an, on y va à marche forcée avec le presse commu qui passe sous administrateur. On ne peut pas rester sur le bord de la route et prendre son temps. Il vaut mieux se mettre d'accord maintenant sur une association. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça s'appelle commu, simplement parce que les presses, le 1er septembre, sont devenues des communes. Donc maintenant, les communes sont chargées de se doter des nouveaux statuts pour correspondre à la loi. Mais même s'il y a un administrateur, il ne faut pas se faire peur de façon exagérée, ça restera les compétences du presse ancien qui seront faites par l'administrateur. Il y aura des pressions, mais il n'y en aura pas plus qu'avant. Puis au bout d'un moment, je veux dire qu'il faut arrêter de toujours craindre à l'avance les pressions qu'on va subir. Si on pense qu'effectivement c'est la dernière chose à faire, ça vaut peut-être le coup de subir des pressions plutôt que de se dire « Ah non, j'ai eu trop peur des pressions, tant pis, on signe la commu ». Enfin là, je crois qu'il faut identifier quand même peut-être les menaces et considérer que la commu finale est bien plus dangereuse que de la pression rectorale. Mais du point de vue stratégique, en tout cas, l'idée de demander un moratoire et arriver chez nous, on l'a écarté pour des raisons stratégiques, que finalement, cette date du anniversaire, eh bien, elle arrive frontalement, mais l'idée de focaliser l'attention, qui est déjà difficile à cause d'un sujet technique, pour demander un report, que ce n'est pas la meilleure idée qui nous arrive, alors qu'on a une possibilité d'avoir des coups très marquants, qui consistent à refuser les statuts présentés à l'arrache début juillet, qui seront écrits en dépit du bon sens, qui ne seront pas conformes à la loi, pour lequel il y aura moult raisons de les refuser ou de les attaquer. Et une fois que ces statuts sont refusés, là, on change de protocole, c'est-à-dire que maintenant, il faut procéder à un autre type de regroupement et ça remet des cartes sur la table. Je pense la stratégie de l'électrochoc en acceptant la date limite me semble meilleure que mobiliser pour un moratoire. Oui, non, mais ça, ok, ouais, je suis d'accord. Non, mais justement, ma question était celle-là, parce que du coup, se mobiliser pour un moratoire qui, de toutes les manières, est prévu, et est prévu à marche forcée, est absurde. Donc il vaut mieux, effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Oui, pour ce qui concerne la date limite, j'ai une autre interprétation quand même à proposer, c'est que tout d'abord, il est inexact d'affirmer que tous les presses ont été automatiquement transformées en communes, puisque ça ne concerne que les presses établissements publics et pas les presses fondations de coopération scientifique. Donc ça, c'est une première chose. Mais d'autre part, quel que soit leur statut, ces presses ont été créées par décret, décret qui ont approuvé leur statut. Et la seule façon de les faire disparaître complètement, c'est bel et bien de prendre un nouveau décret. Donc tant qu'il n'y a pas un décret nouveau qui est promulgué pour les abroger, ces structures juridiques continuent d'exister. Donc cette pseudo-date limite du 22 juillet, en fait, elle n'existe pas. La loi Fioraso ne serait pas la première loi pour laquelle les délais... imposé par le législateur ne serait pas tenu. Il y a toute une ribambelle de lois qui devait être transcrite dans la réglementation dans un délai de 6 mois, d'un an, etc., et qui, 10 ans après, n'ont toujours pas d'application. Donc c'est pas vraiment un obstacle insurmontable. Hein. Donc, de toute façon, vraisemblablement, cette date limite du 22 juillet ne sera pas tenue, parce qu'il faut que les statuts aillent au ministère, qu'ils reviennent, qu'ils soient votés par les CA, qu'ils passent ensuite au CNESER, puis que les décrets soient pris. On n'arrivera jamais à faire ça d'ici le 22 juillet, c'est pas possible. Donc cette question-là, je pense, doit être prise avec un gros grain de sel. Et moi, je connais pas de texte qui dit que à partir du 22 juillet, il va y avoir des administrateurs provisoires. Le 22 juillet, si... Les statuts et les décrets n'ont pas été promulgués, eh bien les anciennes structures continuent d'exister comme avant et il ne se passera rien du tout. Oui, moi je ne suis pas aussi optimiste. Je crois que les textes ont déjà circulé, ont déjà fait la navette entre le ministère, les services juridiques des différentes universités, qu'on veut nous mettre devant le fait accompli en ne nous présentant pas les documents de travail, la version zéro, etc., mais que tout ça est déjà fait, et très clairement dans mon université, donc à Nanterre, on va nous imposer 2 CA au mois de juin pour essayer de faire passer ces nouveaux statuts, et si ça ne marche pas, 1 CA en juillet. Mais pour eux, c'est évident que ça passera d'ici juillet, et il y a plein d'endroits où les gens voteront très facilement. Donc je suis beaucoup moins optimiste. Christian, et puis il va falloir qu'on termine, parce que je viens de voir un monsieur... À 9h, il faut qu'on quitte l'amphi. L'observation des lois à l'instant, tout à l'heure, sur le fait qu'il y a des tiraillements et des difficultés pour que les statuts qui nous seraient communs soient adoptés, je crois que c'est très important. Le problème, c'est que ça risque tout simplement de nous placer dans une situation où il s'agirait d'un conflit Paris-1-EHESS. Ouais. Est-ce que les plus gros vont manger les plus petits, ou est-ce que les plus petits, par leur excellence, n'est-ce pas, vont empêcher les plus gros de faire leur travail normalement? Donc si on est là-dedans, c'est une grosse difficulté. Deuxième difficulté, comment imaginer un système d'association avec la ribambelle absurde d'institutions qui nous ont été accolées par Mme Pécresse, voilà maintenant 3 ans. On peut toujours travailler avec tout le monde, pas de problème. Sauf que le HESS a une tradition de travail avec Paris 1, bien sûr, avec Paris 7, bien sûr, avec l'ENS de notre côté. On a des masters cohabilités avec toute une série d'institutions parisiennes. Comment renoncer à ça au profit de cette nébuleuse qui comprend un gros soleil, n'est-ce pas, nos collègues de la Sorbonne, et puis des petites choses comme nous qui ne se ressemblent en rien. Comment lutter pour ça? Ben, je suis pour rien, j'ai rien demandé, on n'a rien demandé, aucun d'entre nous. Mais la solution association dans cette configuration particulière, il faut vraiment y réfléchir à deux fois pour l'argumenter. Voilà, c'est ça le problème. Est-ce que je... Alors, une très très brève précision. La DGSIP a envoyé le 6 mars une lettre pour expliquer justement et préciser ces navettes entre les établissements, le ministère, CV0 visé par le ministère, dont la légalité sera bien contrôlée pour éviter, je crois, justement, qu'il y ait trop de bévues juridiques et empêcher, je crois, que ces statuts soient bloqués pour des erreurs juridiques. Voilà. Donc, alors, cette lettre a engendré beaucoup de réactions parce qu'effectivement, c'est une démarche un peu particulière hein, et qu'on peut lui opposer l'autonomie statutaire des établissements. Mais je ne suis pas sûre qu'il faille compter sur des erreurs dans les statuts ou des délais comme ça qui pourraient être considérablement allongés. L'exemple des SP, de la création des SP l'année dernière, ça a été fait à mâche forcée. Toutes les SP ont été créées au 1er septembre. Même celles qui avaient des dossiers très très mal montés, elles ont toutes été créées avec des dossiers temporaires qui sont en cours de réécriture, etc. Mais tout a été fait dans les délais. C'était fixé par la loi et il n'y a pas eu de délai, en fait. Oui, non, je voudrais simplement revenir sur ma proposition de tout à l'heure, parce que je suis têtue. Est-ce qu'on essaie, là je parle plutôt à Paris 1, EHESS, mais encore une fois, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Il est probable qu'on sollicite d'autres collègues. Est-ce qu'on essaie ou pas de faire une réunion large, courant mai, qui permettent de discuter et de voir un peu les options. Et est-ce qu'on peut essayer de la faire à Paris 1 je me tourne vers Julie, parce qu'en gros, c'est la seule personne que je... Paris 1, par là aussi. Alors, est-ce que vous êtes... je ne sais pas, ça, c'est quelque chose qui vous semble bien ou, enfin, moi, je pense que ce serait indispensable, si je dois dire mon avis. Et je suis pour, et trois fois pour. Mais si je suis toute seule... Oui, mais ça, c'est pas... On s'en remettra, si c'est ça la question. On a eu du mal à avoir une conclusion de ce débat-là ouais. Au syndicat et à chaque syndicat. Ils ont l'impression de planer dans les sphères, mais ils n'écoutent plus du tout ce qui se passe à la base. On fait ce qu'on peut, là aussi. Hein, on fait ce qu'on peut.